pas les calas, ils sont pas contents. T'es comme une ex, je donne pas mon temps. Mais merde, attends, chérie, reviens, je faisais le camp. Oui mon gâté, j'arrive comme un mec dans ville culotté. 30 points dans le dressing, zéro de côté. Power ta serein en train de siroter. J'ai des potos cramés, t'as les bandes du cartel. Tu peux finir patron à la place du quartier. Tu peux finir rappeur, t'étais dans les lamelles. Je me rappelle, je cassais ma cliente, la rue s'il t'appelle. Je suis en salissant ma jolie. Clin d'œil, je la fais rigoler. Bouteille, je la fais picoler. Demain, personne se connaît. Non, ne fais pas l'étonner. On t'a cramé, fais pas cette tête. T'as critiqué en traître. T'es le FTP que la tu penses. La rue m'appelle sur la zone, c'est la zone. Ouais, ouais, ouais. J't'insultais mort, j'en rigole. Grosse folle. Ouais, ouais, ouais. J'aime casser, j'ai les dents longues, elle raye le sol. Ouais, ouais, ouais. Des aides, des terres solitaires, tout le monde s'affole. Ouais, ouais, ouais. Ils aiment se vanter de ce qu'ils n'ont pas. Tu les écoutes, c'est tout des empas. C'est ceux qui parlent qui ne le font pas. Je les vois comme des Bianca. Fatos, criminel, king. Mauvais dans le bien, on est meilleur dans le pire. On fait des belles night, train de vie de vampire, ouais. On construit un ouais. Empire, ouais. Il m'a gâté, ouais. Je suis la rue comme Erwin et Boyo. Centre-ville, tu connais le noyau. Viens nous voir si tu l'as vu en caillou. Merci le J d'avoir fait tourner le yo-yo. Ça se propage comme une bactérie. Je suis ta bécrie, je grattais sur le Blackberry. Je reste dans la zone, je porte pas de clé. Oui, lui je le whisky, j'aime pas trop ces Blackberry. Ça part gratter jusqu'à Nancy. J'ai mon cabis que ça blanchit. Vive la musique, vive le touchy. De VLZ les affranchis. Volte Max vers les Catalans. J'suis dans le move, on se dit en cas à tout à l'heure. La loi du 13, faut que tu tiennes ta langue. Parler sans rien faire, ça n'a pas de valeur. J'rappe le réel et ça depuis des millénaires. J'ai le démon sur l'instru, j'ai mis mes nerfs. Va leur dire que dans la coque, moi j'ai pas mis le nez. Plein de poussettes devant Martin, ce bâtard m'ont mis le mof. Mille à mille à mille, regarde le pélican. Il avait tout pour lui, regarde comme il est con. La chatte est mis cantalé, la frappe dans le pantalon. Le buzz, la mentale, c'est chacun son talent. Dépêche arqué sur la Honda. Qu'est pas ça, t'es bizarre, qu'est-ce qu'il y a hombré. Technique crochet à la Didier Drogba. 10 ans que tu l'as, combien j'en ai vu sombrer. Ta vie, je leur fais faire le signe d'où le même au Condé. Ça veut monter sur l'autre, elle démonter. Tout ça pour se vanter, tout ça pour se montrer. Finir au pot, mettre à lui, nous au ponté. Andale, sur un stand j'esquive la banale. Faut pas j'cartonne. J'fais mon coffrage et j'me taille. Chante du quartier capuché. Mental très organisé. J'ai zonné toute la journée. A plus savoir où aller. Andale, sur un stand j'esquive la banale. Faut pas j'cartonne. J'fais mon coffrage et j'me taille. Chante du quartier capuché. Mental très organisé. J'ai zonné toute la journée. Je veux me barrer de spi. J'ai pas encore 1 million sur le compte. Mais je pourrais mettre 1 million dans le coffre. Manque pas de respect. On fait que flirter en baisse bar. Reconnu derrière la baisse bar. Depuis l'époque, la haine m'a traumatisé. Traumatisé, trop facile, non trop facile. Je te prends ton veste bar. Un vécu de barbare. Frappé comme barbuck. C'est des grosses carbats quand ils se livrent par balle. J'anticipe par le peu. Remercie le cartel. J'ai ma com, ma barre. Ma cam, elle fait comme l'arlar. Allez, quand Warren, Marico de l'année. Jerrican Kalash. Trafiquant de la neige. Gang, gang. Ça te pète la citrouille, c'est pas Halloween. Après Tarawih ou le jour de l'Aïd. Les zombies, les cleans, y'a plus de différence. Depuis que dans le shit on mélange vitamine. J'ai vu ce petit aller à l'école. Quand j'ai fini exécuté sur Telegram. C'est fait, on peut pas revenir en arrière. Même en pleurant, en océan de larmes. Bien reconnu, sous la cagoule c'est Jules. J'ai bipé les potes dans 5 minutes, j'ai tout en déboule. Ça vient du 13014, y'a céramique à la fouille. God bend, fais les causes, le reste c'est le mec. Pinel dans la Redskins. Je sais pas si ça en vaut la peine, fils. Ça veut du bénéfice, le salaire à Memphis. Ça veut des cleans, investi dans la pierre bise. Des 20 des 10, que du cash, pas de N26. T'aventures pas si tu maîtrises pas. J'aime pas celui qu'abandonne, pourtant je préfère le frérot qui se bat. Faut viser haut, t'arrives à rien si tu vises bas. Gros, on est cramé comme Dieu, on est dans une bar mitzvah. Le bolide part du cul, on aime accélérer. Avant d'encaisser, sa mère la pute, on a galéré. Dans le vrai, plus tu les fais trembler, plus ils vont te vénérer. Ça sonne breliqué sur un ténéré, boy. Oh Baptiste, fais le con, ça te nique ta race, c'est simple à Gabidou. C'est le E comme d'habitude. Sur la vie de mes gosses, qu'on va leur mener la vie dure. Ma, c'est comme Amina Reed. Ça roule en stunt, rêve du Ferrari. Mais j'préfère simple quand tu te maquilles. J'les fais, j'pars au bled ou dans le maquis. Faut que les PDH qui parlent, c'est des rages. J'le renforce mon majeur. J'les prends dans la cage. Faut que les PDH qui parlent, c'est des rages. J'le renforce mon majeur.